On the road again. Je suis arrivé en bas de chez moi, il était à peine 2h du mat. J'ai juste sorti la guitare, un sac. Le reste, on verra plus tard. On avait joué une bonne heure et demie. Tout s'était bien enchaîné. Belle écoute, rappel, retour chaleureux. Mais j'ai pas réussi à mordre dedans. Trop peu de public, pas de vrai track. J'ai pas réalisé. Je me suis pas lâché. Après, j'ai pas fait long feu. J'ai taillé la route 30 bornes. Et je me suis retrouvé, le cul sur une chaise, dans ma cuisine. Solo, plombé, sale impression. Glauque, sur les bords. Et là, maintenant, à l'instant, 2h27 du matin, le chanteur naïf se plante, se scotche, hébété devant l'écran de l'ordinateur. Spider solitaire, je fais des réussites, je gagne, je perds, comme si rien ne s'était passé. Drôle de vieux chanteur, qu'est-ce que tu fais là 15 ans plus tard à revenir traîner tes guêtres sur scène? Qu'est-ce que tu as de si urgent à confier à l'humanité? Tes peines, tes rêves, tes petits cris de révolte, elle s'en fout l'humanité, elle a d'autres chats à fouetter. Tu veux prouver quoi? Que tu es un mec pas si mal que ça? Un peu sensible au fond, quand même? Ou bien, tu veux dire que le monde est bien naze, mais qu'il y a quand même moyen de déconner là-dessus, hein, gamin? Personne ne t'attend nulle part. Je me suis dit, personne n'attend personne. Peut-être qu'on se croise, c'est tout. J'ai mis mon pantalon de scène dans la machine. Il avait pas mal morflé dans ce trou perdu, vaguement boueux, au bout d'une route en pente, toute cabossée. Alors, c'est ça ton itinéraire bis, tes chemins buissonniers, mon coco? Come back to the paddock, ouais, vieux cheval de retour. Je me mets au pieu. Il est 3h pile, quelques piafs commencent à chanter. Matino, matino les oiseaux. Et même si je sais que je serai debout avant, je mets quand même le réveil pour pas louper téléfoot.